sais plus quoi faire. Putain, c'est compliqué quand on s'implique. Je ne sais plus quoi faire. Je pleure comme un as, parle comme un love à love. Je ne sais plus quoi faire. J'entends mon cœur qui fait des. Dans mon hall, ça résonne, ça fait. J'ai jamais connu ça, jamais. SOS, mayday, mayday. J'entends mon cœur qui fait des. Dans mon hall, ça résonne, ça fait. J'ai jamais connu ça, jamais. SOS, mayday, mayday. Mais baby, s'il te plaît, sors de mes pensées. Personne ne sait comment je t'ai kiffé. Ma réputation de shoga était usurpée. Et face à toi, je ne sais plus quoi faire. Je suis tombé lentement, comme dans un gouffre plein de sentiments. Je ne sais plus quoi faire. C'est mon destin, 9-1 au 9-2, je suis love dead. Je ne sais plus quoi J'entends faire. J'entends mon cœur qui fait des. Dans mon hall, ça résonne, ça fait. J'ai jamais connu ça, jamais. SOS, mayday, mayday. J'entends mon cœur qui fait des. Dans mon hall, ça résonne, ça fait. J'ai jamais connu ça, jamais. SOS, mayday, mayday. Dans tous les halls, ça résonne, ça fait boum. J'entends la street vanner que Django fait le clown. À cause d'une baby lady qui l'a zooké dans une boum. Le mec est devenu F.O. Il perd la boule. Hey, Dickie, non, non. Écoute pas cette saloperie, non, non. Diablo, car il pense qu'à Bobby, tu l'entends. Non, non. Tes sentiments gardent et c'est important. Chantant, clamant ton amour, mec, elle t'attend. Yeah. Hey, je te prédis que cette lady ne veut que ta carte de crédit. Crois dans mon expérience, parole de Freddy. C'est faux, cette femme sur qui tu mises. Trouve pas sa nalle. Les deux mon nose contredire la flèche de Camnose. Même sur des cendres incandescentes, je marcherai jusqu'à ta pompe. Même si c'est sans homme que je dois vaincre à la force. J'entends mon cœur mêler. Dans mon rôle, ça résonne, ça fait. J'ai jamais connu ça, jamais, non. SOS, mayday, mayday. J'entends mon cœur qui fait des. Dans mon rôle, ça fait. J'ai jamais connu ça, jamais. SOS, mayday, mayday. J'entends mon cœur qui fait des. Dans mon rôle, ça résonne, ça fait. J'ai jamais connu ça, jamais, non. SOS, mayday, mayday. J'entends mon cœur qui fait des. Ça fait. J'ai jamais connu ça, jamais. SOS, mayday, mayday, mayday, mayday. De quoi j'ai rêvé avant qu'on tire dessus, tirons-nous. tu ne souffres pas, moi je vais me barrer. À ce qui paraît, ils parlent de nous, mais je me sens pas concerné. J'ai traîné tard le soir, rempli les poches, vidé les gobelets. C'est quel casino, je les ai fait changer de croupier. J'étais au Clio, dans les poches, j'avais un bébé. Hein, ben tu connais. Pas d'aller, j'ai explosé, j'ai traîné toute la nuit. Je me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Avant qu'on tire dessus, tirons-nous d'ici. Un aller, j'ai explosé, j'ai traîné toute la nuit. Je me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Avant qu'on tire dessus, tirons-nous d'ici. Un aller, j'aurais dit l'équipe là, il faut changer de vie. Et ils ont tous conneries. Un aller. Radio Sud. Spin me around, you got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Ooh, I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Soul, I gotta know, best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. Radio Sud. La nuit du haut de ma tour, la tête dans les étoiles. Le lendemain, l'école dans la cour. Je disais poteau. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Vous êtes bien dans la 25e, 22h minuit, Radio Sud, 101.8, radio sud.net. Ouais. Avec mon gars Juju. Comment ça va, Juju? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu racontes? Ça va, hein. Ouais, j'ai un peu la voix cassée, je suis en train de tousser. Voilà, ce qui paraît, toute la semaine, t'as crié « Allez Giroud, allez Giroud !» Giroud. Ah, mon gars. On sait. Non, je suis un petit peu malade, mais tranquille. Ce soir, je suis venu parce qu'il y avait l'émission spéciale de mon gars Braza. J'étais obligé de venir. Comment ça va? Bien la famille et toi? Ça va, hein? Bon, pour tous ceux qui ne savent pas, moi c'est Chao, lui c'est Braza. On a presque la même voix ce soir. Calme mais lui, toi, pour, ça c'est calme. Sa vraie voix, ça c'est sa vraie voix. Un peu traficoté. C'est trafiqué. Donc ce soir, pour les auditeurs, je vous explique un petit peu, émission spéciale. Pour ceux qui ont l'habitude, vous connaissez déjà, mais vas-y, on va réexpliquer quand même. Première heure, émission spéciale Braza, on va l'interviewer, lui poser plein de questions, on va jouer un peu, etc. etc. Et en fin de première heure, on partira en freestyle. Donc voilà, il y a du monde autour de la table, il y a Tudo qui est là, il y a Pips. Video Go Vibes. Aïe, aïe, aïe, il y a Viper Ghost aussi qui est là. Tu m'as dit qu'il y avait qui est arrivé? Il y a Senza, les refrains de Belfort, il y a le refrain au mix qui va arriver. Ça vient tout droit de Dakar, donc les Sénégalais restent branchés. Wow. Lourd. On aime ça. D'ailleurs, je tenais à encore faire un appel à tous ceux qui sont dans la musique ou culture urbaine. Tout confondu, danse, graphe, tout ce que tu veux. N'hésitez pas à nous contacter pour passer dans l'émission. Pour l'instant, on a des invités au moins jusqu'à mi-mai. Mais voilà, il y a un mec là qui nous a contacté pour qui a lancé sa marque de SAP. Donc je pense à tout ce qui tourne autour des cultures urbaines. N'hésitez pas à sauver la 25e. Tu lances des appels tellement qu'on reçoit des mails anonymes. Ah oui, exactement. On reçoit même des mails anonymes. Balancer mon son, je dis pas mon blaze. Mon mail, c'est anonyme. Underground, what the fuck? Soldat inconnu. Mais les gens sont gangsters. Bah oui, c'est comme ça qu'il faut être anonyme, man. C'est des mails cagoulés, t'entends? Bra. Ah oui. Il a fait le mail exprès pour envoyer le son, tu vois. Ah, gars. Si, si. Et les mecs sont déterminés. C'est bizarre. Yes. Alors, Braza, du coup, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Ah ouais. On a pris un tout petit peu de retard, mais c'est pas grave, on n'est pas pressé. Braza, notre petit rituel dans l'émission, à chaque début d'émission, on balance un jingle. Et on aimerait bien que toi, tu nous fasses un jingle avec ta voix, en a cappella, tu vois. Sachant qu'on aimerait bien récupérer les pistes, tu vois. Nous, on récupère les pistes, après, on en refera. En fait, on va faire des jingles avec vos voix, tu vois. Ouais. Donc là, il y a mon pote DJ Jounes qui va envoyer le jingle. Le Brand new. Puis t'enchaînes juste derrière, ok? Ça roule. Tu balances, fais pas un 16 mesures juste. Parce que... La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Même à la campagne, ça fait du rap, enfoiré. Aïe, aïe, aïe. Tudo, tu veux nous faire un petit jingle ou quoi? Tui. C'est celui-là, mon jingle. Kia. Kylian Mbappé. Si, si, lourd. Vas-y. Donc, avant de commencer les questions, Braza, voilà, est-ce que tu peux nous dire sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, moi, sur les réseaux, actuellement, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc Brazati, donc Braza avec le tiré du 8 en bas. Pour accompagner le thé, comme Tuki, pour les vrais qui connaissent. Ensuite, pour tout ce qui est son, vidéo, etc., vous pouvez me retrouver sur Instagram, enfin sur YouTube, parce que je ne maîtrise pas encore les réseaux sociaux. Donc, sur Inganza Prod. Donc, vous trouverez à boire et à manger là-bas pour ce qui concerne l'équipe. Ça doit être ça. Tu as dit que tu ne maîtrisais pas encore les réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai fouillé un peu. Ah, le négro, il est bizarre! Et tu m'énerves. Je suis là, je vais sur ton Insta, tout ça. Tu partages des grands clips, des grands liens. Ouais. Mais les liens, on peut pas cliquer dessus. Ah man, je comprends pas comment on fait pour mettre le trait en dessous, les frères. Street talk. Okay, bon, je vais te faire un petit tuto plus tard. Ça marche, à Fabien. Si. Donc Instagram Braza tiré du 8 et Inganzo Prod, voilà, sur YouTube, ok, où on peut retrouver aussi les clips de Tudo, de Viper, de toute l'équipe, et puis même de beaucoup d'MC de Beza qui ont travaillé avec Battalions, avec j'oublie même des Blas, même lui là, même Chao là, tout le monde, on est tous même Jounes là, c'est à l'ancienne Battalions Record, tu connais, donc tout ça, c'est la mafia de Beza qu'on est ensemble, donc on retrouve un peu tout, des vieux sons, même vos meilleurs artistes à l'ancienne, quand ça kickait, on est par là. Si. C'est bon ça. Moi, je suis content parce que quand je regarde tous les invités qu'on avait, on avait beaucoup de nouvelles générations. Mm-hmm. Et là, on retrouve entre guillemets notre génération, génération 90. Et encore plus ancien. Exactement. Tu vois. Donc c'est cool. Big up les gars. Merci d'être venus en tout cas. Ah, c'est nous qui te remercions. Yo. On remercie les frères en tout cas. Une bête d'émission qui donne de la luminosité aux artistes de Bezac. On s'est sur une autre échelle. T'as vu. En c'est d'aller hacher les que se trouve Laura. Merci à Junès. Et t'inquiète, la 25e, elle va tourner chaud bouillant. Avant de dire merci, tu sais que tu dois faire un chèque. Hein. Je vais me rapatrier au Congo, frère, c'est comment ça? On paie un CFA. Comme ça. Là, tu dis des grands merci, tu vas payer après. Ouais. Yes. Donc, ce qu'on va faire, moi, je vais passer un premier morceau de Brazza. Donc, le son, c'est Guns Poppin'. Si je veux. Ouais, c'est ça. All the time, you know. Ça, c'est vraiment boom bap, caniveau à l'ancienne. Oh, bro! Roca technique! Si. If you know me, bro! Donc, celui-là, tu peux le retrouver sur YouTube. Hein. Ouais, celui-là, tu peux le retrouver sur YouTube. Okay. Donc, ça oh, même partie. Si tu viens dans le quartier, nous, on va te le slang. Comme on slang du shit. Donc, en tout cas, ces sons-là, tu les retrouves sur YouTube. Ça fait partie d'une série de freestyle que j'ai balancé en attendant l'arrivée du projet. Donc, il fallait un peu nourrir les bases et puis recommencer un peu à se faire connaître. Parce que. Quand t'as passé 12-13 ans sans reprendre un micro, tu connais, t'as vu, depuis le temps, j'ai lâché ça. Donc du coup, quand tu reviens, c'est un peu ghetto. C'est tatami, mon gars. Attends, réponds pas aux questions avant qu'on te les ait posées, Brazza. Ah, ça roule, Fabé, excuse. On passe le son, on discute après. Ça va marcher, Fabé. Ça te coûtera le même prix. Brazza, Guns Poppin', on est dans la 25e. Show. Toujours ghetto, j'ai rangé mon baggy, pas mes bourrelets, ni ma violence, encore moins le gant. La tête dans les cahiers, la main sur le calibre. Au Sénégal, rap sans furiture, traîne dans des halls sales. Parle-moi d'une grosse somme, d'une équipe de tarés, prêt à tout fumer pour la monnaie. Raconte terre ici des blocs HLM, propagande, appel au meurtre, terrain, crack, peine à deux chiffres. Coup de pelle mortel, bras de manger, cupping everyday, hustler all day. African gangster, j'compte mon bif en CFA. J'irai pas de Marabella, mais de la chaleur de pointe noire. Mais en ce moment, c'est tape, ça sent la poudre, la guerre de gang. On va encore compter nos blessés, nos soldats d'aide. Course poursuite entre le mal et le bien. La chemiture en arbitre pour te sauter, le terrain est miné. Tous des terres comme Mao, on pleura un dracar sur le hit des cités. Hein. Pour mon saut, je pourrais sauter, zéro tête à tête, on refuse la défaite, violent comme Vesti. Sa mère, c'est vrai qu'on a tous géchant, la nostalgie nous oppresse, c'est fou quand je suis devenu méchant. Roule un peu, se fait un tas, c'est la logique criminelle, père de requin pour des affaires sales. Drame psychodrame que le Seigneur m'aide, car j'ai trop péché. J'ai les mains dans la CC pour viciaire des drogués, on veut des thunes bénées, des galis pour festoyer, plus toi de là. Brazza a bien géchant. Inganzo, NOP Gang, 2018, enfoiré. A real life in my neighborhood. Black mind when I'm banging out. Real life in my neighborhood. I'm black mind when I'm banging out. A real life in my neighborhood. Black mind when I'm banging out. A real life in my neighborhood. Black mind when I'm banging out. Get la monnaie, guns popping, caracol au top des chartes, fidèle au hall, regard vénère. Renoir discret, ce hood pétard dans la boîte à gants, plutôt souriant, ce soir c'est ghetto bail, gros somme en vue, en cartade avec mon sauce de toujours, en mangeant meute, c'est ça les vrais brigands. Premier à partager mon pain, dernier à me vesquer, des bagarres au fusil, y a toujours au peuple pour sauver un fidèle. Mais c'est triste quand ton placard se referme, les faux mastas qui retournent leur stevet. Dernière prise, MC trop prisé depuis la cage d'escalier, Renoir actif, s'active que pour la pépite ou pour mes vrais loups. On n'a plus rien affiché, plus rien à prouver. Le ghetto on a tout fait, la rue on a baisé. Les tasses peuvent retourner, les calibres ont parlé. Et le sang a coulé. N.O.P, N.O.P, je te parle de mon vécu, pas celui d'un autre. Une vraie vie de balourd, enfoiré. Une vraie vie de balourd, enfoiré. A real life in my neighborhood. Black mind when I'm banging out. Real life in my neighborhood. Black mind when I'm banging out. Real life in my neighborhood. Black mind when I'm banging out. Real life in my neighborhood. Black mind when. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yeah. Radio-Sud. 101.8. Ah, c'est Radio-Sud. Ok, on est dans l'émission spéciale Braza ce soir. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On va rentrer. Ouais, ouais. Alors, on disait, on parlait de génération 90, etc. Mm-hmm. Donc je voulais savoir, enfin, moi je sais un petit peu, mais ouais, c'est ouais. Plus pour les auditeurs, tu vois. Ça marche, la famille. Quel âge t'as ? Qui es-tu ? Moi, mon frère, j'ai 27 ans, bientôt 28. Ah oui, même 28, ça dépend. 27, bientôt 48. Ça dépend de quel côté on se positionne, t'as vu. Voilà, ben j'ai 27 ans. Donc du coup, génération 90, c'est pour 90, 91, 92, voire 89. Bon, c'est quoi ta date en fait? Secret défense. Oh mon gars, il est comme Eto. Il peut pas. Il sera toujours prêt pour jouer. Je vais jouer jusqu'à 40 ans comme Roger Miller, les frères. Et Tudo, il lâche des punchlines hein, depuis tout à l'heure. Calme-toi. Et t'as commencé le Peura à quel âge? Enfin, depuis combien de temps tu rappes? Moi, à la base, le Peura, je l'ai commencé quand j'avais 12-13 ans. Donc à l'époque, bah, j'étais avec Sandro, alias Sontrax, pour les anciens qui connaissent, ou Bakary, La Poisse. Voilà. Il y a eu tellement de blaze, tu connais. Voilà, et bah, j'étais avec toi, le présentateur, la Chao. Donc on était dans ta chambre, comme tu connais, la daronne, elle a dû en subir. On va redévertir tes pameux. Parle pas des daronnes. Mais sa daronne, elle peut nous baquer tous. Voilà, et elle nous a mis bien, parce que c'est grâce à elle qu'elle nous a mis, tu vois, c'est dans sa maison qu'on a eu un peu le pied à l'étrier. Et avec le refrain Chao, déjà depuis le début, t'es un peu entreprenant déjà, tu vois. Ouais. Tu connais, nous, on était pas trop organisé. Donc le refrain, elle avait déjà 2-3 balles, on allait kicker là-bas. Donc du coup, j'ai commencé dans ces années-là, là, tu vois. Si. Bon. Vas-y, hein, moi je vais. Là, je suis en mode animateur, tu vois, ça me fait rigoler. T'as envie que... de pleurer? Ouais, un petit peu, tu sens la larme là, tu sens la larme. Vas-y, pleure, c'est pas fini. Voilà, t'inquiète. Moi je le connais depuis très, très, très, très, très longtemps, tu vois. Mais moi aussi je le connais. Ah, mais après, et ce mec, cette personne pour moi, il a 10 vies. Je le vois, je le perds de vue, je le vois, il change de bail. Tu vas m'expliquer ça plus tard. Mais ah, t'inquiète, regarde ça doucement. Hey, Viper, rapproche-toi des. Ouais, viens là, mon frère. Viens. Tu peux intervenir. Je me rappelle quand il était petit, c'est quoi, il traînait un cassin et tout, on faisait le bandit là-bas. Ça, c'est pas des dossiers à déclarer, tout ça. Si. Et du coup, j'ai vu là, ben, quand tu t'es relancé, entre guillemets, ouais. Tu t'es mis sous l'emblème NOP Gang. Ouais. Alors, c'est quoi NOP Gang? Qu'est-ce que ça veut dire? NOP Gang, les frangins, je vais vous dire ça, c'est simple, vous connaissez, donc moi je suis inséparable de mon gars, vous connaissez Bakar, on est toujours ensemble. Donc le NOP Gang, c'est parti d'un délire, on était à la cité avec les refrains, donc Sissi, Jamel, tout ça. Donc NOP Gang, c'est pour Niggas of Planoise, donc okay, c'est okay. Pour dire là, on est des négros de Planoise. Et puis il n'y a pas que des fros, poto, puis chez nous aussi il y a du bordel, il y a des mecs qui slinguent, ils sont dans tous les jazz, trafic, honnêteté et tout. Donc la NOP Gang, c'est une grande famille avec tous les capris du nord au sud. Et c'était vraiment pour ça, pour représenter ce côté-là. Si, ok. Maman, c'est pas vrai, je traîne pas avec des racailles. Non, maman, c'est pas de la caïra, mais c'est vraiment... C'est des soldats, des vrais. De l'amour entre frères, tu vois, comme on était à l'ancien, tu connais. Si. On se partageait tout, et puis nous, on voulait relancer un peu ce délire-là, appartenir à un crew où on est tous ensemble et on se donne de la force. Si. Tu vois. Lourd. Et j'ai vu, du coup... Avec Tudo, il y a les connexions qui se sont faites. Ouais. Et c'est quoi le lien avec Inganzo Prod? Ça part d'où? Parce que on te connaît, toi. Ouais. On connaît Tudo. Ça part d'où? En fait, le bail, il part comment? Ça part d'une reçoit, mon frère. Je te dis pas le délire, t'as vu? J'étais avec un grand ref qui s'appelle Fox. Pour les gens qui connaissent le forum, un peu de buzzard qui savent, Fox, t'as vu? Et on t'est posé, on est en train de discuter. Il m'a dit, vas-y, je dis, refrais, j'ai envie de reprendre un peu à kicker. Il me dit, écoute, il y a un autre frangin qui est toujours là, mais je dis, moi, je veux re-kicker avec des frangins à moi, pas avec des mecs que je connais pas. Donc, du coup, on se cale, on part chez Tudo. Le lendemain, on était en train de tapisser le bail. On a balancé le premier freestyle impulsif. Et c'est parti de comme ça. Puis tu connais les affinités, puisque moi, j'aime bien travailler avec des gens humains, yes. Où on se donne de la force, où on se comprend. Même si on est différents, mais c'est justement c'est dans notre différence qu'on arrive à avancer tous ensemble, tu vois. C'est vraiment ça. Et c'est parti de là, la connexion. Puis ce côté qui est un free, rap bantou. La vieillesse, ça fait que tu vois, j'ai envie de quitter le quartier. Enfin, j'ai quitté le quartier, j'ai changé, j'ai un enfant, j'ai une nouvelle vie. Donc, du coup, faire un message un peu plus positif, tu vois, un peu différent de ce délire-là. Une nouvelle vie. Une onzième. C'est quand que je t'ai croisé là-haut, là, vers l'Indien, là. Ambiscotte. Là, pour moi, c'était encore une autre vie. J'ai fait. Ambiscotte. Tu te rappelles ou pas? Mais c'est ton enfant. Ouais, c'est ta femme. Ouais. Oh, vas-y. Hein. Ah, bon, là, tu connais. Ouais, vas-y. On se reverra. Si. Braza, don't talk too much. Eh non. Bon, Braza, je vais pas. Bon, je pense que c'est pas très très compliqué l'explication de ton blaze aussi. Ouais, ouais. Brazzaville. Ah non, c'est Congo. Pour Brésil, hein. Ça va pas du Brazza. Pas du Aria. Brazza du Brésil. Brazza du Brésil. Si. Okay. Et Bantu Aria. Brazza pour Brazzaville, pour les gens qui comprennent pas. Brazzaville, c'est le Congo. C'est comme Kinshasa, c'est comme l'Angola, c'est même comme le Centrafrique, tout ça, c'est pas, le Congo. Mélange pas. Vous allez pas à la CAN, mélange pas tout. S'il te plaît. Pardon, et on est les mêmes pays? Non, mélange pas tout. Chao, continue ton interview, mais mélange pas tout. Ça représente 2-4-2 comme never, mon pote, même quand ça perd, on est là. Je présente dehors. Moi, j'ai cru que t'allais me faire Chao et le Vietnam. Oh, doucement, laissez-moi mes Viet Cong là où ils sont. Faut pas être touché. Faut pas être touché, sinon vous allez subir. On va mourir de vêtements. Non, non, je parle pas de. Les Viet Cong, il faut les laisser. Non, vous allez subir. Et en dehors du rap, du coup, j'ai essayé de creuser un petit peu. Tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et j'ai vu que. Hey, mais... Comment tu veux creuser, frère? Non, moi j'ai creusé, j'ai trouvé un faut bail. Gibson, coup, faut Gibson, faut tout le monde. Non, j'ai trouvé un vrai bail. T'as eu une période photo, mannequinat, tout ça. Ah, les gars, vous êtes morts, les gars. Non, mais. Ah ouais, les frères. Je me posais la question aussi. Est-ce que c'est toujours d'actu? Non, ouais. En vrai, les frères, t'as délire mannequinat, tout ça. C'était un petit bail, on voulait bien s'éloigner, comme disait tout à l'heure. Comme disait tout à l'heure, Jounès, on veut changer de vie, tout ça. Négro, il est beau! Mais t'as vu, depuis, on s'est un peu calmé, comme tu dis, l'âge, puis on aspire à une vie plus tranquille. Tu vois, bon. Le mannequinat, c'est bien, mais moi, j'ai une femme, j'évite les problèmes. Ça ne regarde pas. Voilà. T'es Mister Afrique? Non, je ne suis pas Mister Afrique, mais en tout cas, je fais partie des 8 derniers finalistes de Mister Afrique. Donc 8 sur combien? Hein, 8 sur 100 et des poussières, je sais pas, frère. En tout cas, ce qu'on passait, le casting, etc., il y a déjà des éliminations, frère. Mais non, attends. 1000, on était plus de 1000 au départ, on a c'est fini bon, à 100 au bon. Casting. C'est bon, au fur et à mesure, t'es frère, j'étais dans les 8 meilleurs beaux, les plus beaux africains. Même si attends, non. Ghetto, moi, je suis pas d'accord, mon frère. Non, mon frère. Moi, je te dis, je suis beau depuis au Bessau. Nous, on a donc, fait de la magie. Oublie. Attends, tout le monde est beau. Et tu vois, là, je parle de ça, mais je regarde Pips, tu vois, du coin de l'œil. Pips, c'est un mannequin sale. Il se cache, là. Hein. Pips derrière la caméra, mais Pips, on sait aussi. Ah oui. Là, c'est une grande émission. C'est la vie, man. Là, franchement, on touche à quelque chose. On aurait dû venir à prêter. Ouais, mais t'en es où? Est-ce que chemisé. Tes enclins. Je suis rentré du taf. Tu connais. Dans ton enquête là sur Brazza, t'en es où? Dans mon enquête. Ouais, parce que moi j'ai envie de l'appeler Sco encore. Je sais pas pourquoi. Mais... Ah. C'était une autre vie. Tu vois ce que je veux dire? Un coup il était basketteur. Un coup il a des tresses. Un coup. Moi je sais pas. C'est caméléon. Ah, c'est Jarod en fait. Ah, votre Jarod, mon pote. Exactement, il est le caméléon. Si. Alors les gars, moi je vais passer un deuxième morceau pendant qu'on est chaud. Le son c'est Kodak. Kodak. Pareil, j'ai vu ça aussi sur YouTube. Ouais. Lourd encore. Merci la famille. Encore. Bien réalisé. Moi, j'ai bien réalisé. Ouais. Donc on balance ça. Les auditeurs, n'hésitez pas à réagir. Génération 90, Noisplat, tout ça, on est ensemble. Merci à tous. Même les vieux, on est là. Attends, les générations 80, on est là toujours, non? Les quarantenaires, ils se plaignent, donc ils sont là. « par chez nous, les émotions, je canalise avec du vif, des sourires, même en reste, on partage 50-50. Génération 90, la virgule entre les étoiles, trop vive pour tomber dans la poudre. On navigue dans les fournaises du diable, que Dieu nous garde. J'ai vu trop de frères passer à table. J'ai rangé ma bannière blanche pour prendre place au festin. Morale dérangée, ambition d'enculé. Ni karma, ni destin. Des cagoules, un fusil sous la table. Hey, je vais pas te faire un dessin. Par chez nous, la nostalgie glace le sang. Trop de frères enfermés, trop de frères décédés. Beaucoup trop emmurés. Les darons pètent un câble, elles ont le moral en berne. Négro, elles encaissent les coups. Les décès, les incarcérations. Par chez nous, taqué Ezobé, dame. Vula Ezonio, gamme. Master Yoka. Kodak, Kodak. Kodak, Kodak, even if my niggas fall down. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak, my niggas never bow down. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak, when I see my baby come now. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak, you know, the sunshine. La prod est lourde et 16 mesures à la RTZ, papy. Jambes de bois avec des lyrics d'acide. BZVL, a.k.a. Braza. Dévastateur comme l'ouragan Katrina. Noir et ben, les yeux rougis par les carrés de fif. Sombre et déterminé, demande à Hardy. Braza, c'est pas Paris. New York ou Brooklyn. Mes coulounaires se transforment en sirène pour pouvoir manger. Africain et fier, je viens d'étonner. Violent suicidaire comme les déclarations à Assange. Lyrics offensifs sans divergence pour les petits refs. Je fais du rap, ta bébé. Demande à Ferrer, quand je débarque, les tarpés se ferment. Zaiko, Zaiko. Luanda, Braza, Kinshasa, Kigali. Pour me reposer, négro, tu peux me trouver par là. En train de grailler avec les refrains. Mes coulounaires, mes Kadogo, mes bébés noirs. Négro, joue pas le mafieux par ici. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak, my niggas never bow down. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak, when I see my baby come now. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak, you know, the sunshine. C'est fait riche, j'ai trop prôné la paix. Ma spiritualité sur une fois sans issue. En attendant, le crime m'appelle. J'ai jamais à dérover des tarières, je reste discret. J'avance comme une taupe jusqu'à prendre l'air. Propice, la nuit est sombre et orageuse. Dans mon ghetto, les transmetteurs, je ramasse que des miettes. En espérant renverser la tendance, des poteaux atteints de sénilité qui, pour une dose, peuvent te buter. J'ai rendossé mon baguillage et ma paire des Nike. Mon ambition et mes textes de renégat. Babylone, ton dort en remplissant. Tes poches des gnarins. Moi c'est Braza, je m'en branle du buzz et de tout ça. J'écris pour faire bouger les refrains. Pas le temps pour les salopes ni les poucaves. Hey, t'as reconnu ça. Bantu style, yeah. Yo, ça c'est au décaniveau. Bantu style. Benz. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak. Even if my niggas fall down. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak. My niggas never bow down. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak, when I see my baby come now. Kodak, Kodak, Kodak, Kodak, you know, the sunshine. My sunshine. Thank you, Lord. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, yeah, yeah, la 25e, on est toujours là. Attends, attends, attends, Chao, je peux faire comme toi ou pas? Dis voir. Yeah, yeah, yeah, la 25e, on est toujours là jusqu'à minuit. Voilà, ouais, c'est bon. Ouais, c'est, je ah, m'entraîne. J'ai reçu plein de messages, on m'a dit Rennes. Wow. On m'a dit quoi? Rennes, je suis la fa. 101.8, les gars, restez connectés sur Internet et sur vos ondes. Si, si, bien joué, bien joué. Ce soir, c'est Braza dans la maison, émission spéciale. On est là, on continue la petite interview. Donc là, on va passer dans les influences, ton point de vue, les anecdotes, tout ça, tout ça. Le mannequinat. On a un peu tout mélangé. Il y a Edinho qui nous a rejoint aussi autour de la table. Ouais, ouais, ouais. Si, si, si, la famille. Ça va la famille ou quoi? Il est devenu salarié. Oh, calme. Il est devenu salarié de la 25e. En scred. Il y a R. Il y a R. Si, si. Je suis la fouine. Ah, je traîne un peu partout, tu vois, collection. Je regarde ce qui se passe, tout. Allez les frères, je vous présente, il y a mon refrain au mix. Angadef, Angadef. Si, si, si. Le gars fait le déplacement directement. Ouais, ouais, direct. Le Dakar. Ça dakarise fort, les gars. Ouais. On est ensemble. C'est international, sur le top, il fort. Radio Sud International. Radio Sud International. International. Alors, Braza, mes questions vont être... Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, vas-y. Ok, super. Super. Alors, vu qu'on parlait des générations 90, génération 80 pour Tudo. Ouais. Pour toi, quels sont tes trois albums références? Moi, si t'en avais trois à citer. Trois albums à citer, ça va être compliqué parce qu'il y en a plus que trois. Mais je vais plutôt te citer en termes de groupe ou d'influence musicale vraiment que je peux okay. avoir. Donne moi, il y a l'album de Salif en 2008, Black Skin. Okay. Black Fugazi, c'était sorti, c'était violent ça. Après, je suis pas mal influencé par tout ce qui était par le secteur A, surtout par Arsenic, Lino en particulier. Je goûte vraiment beaucoup à cette sauce-là, vraiment du boom bap à l'ancienne, avec un peu de conscience, mais toujours véridique, proche du hall. Mm-hmm. Lino a la voix de Viper Ghost, un peu. Sale. Ah non, c'est non, moi je te dis, c'est Viper Ghost. Non, c'est Lino qui a, oui, exactement. Ah, bah, Tudo. Ah, attends. Laisse, c'est ça. On dit la même chose. Oh. Ah, mon gars, tu vois. Dans chaque, écoutez, punchline. Dans chaque bloc, chaque tour que tu vois, il y a un rappeur, et il est mieux que ce que tu vois sur Sony Music. Ah, c'est vrai, c'est vrai, mais tu vois, comme tu disais, Viper, il a la voix de Lino. Non, non. Justement, c'est ton forum full seum. C'est Lino qui a la voix de Viper. Recolige. Les chants africains, ils carottent des voix de Congolais, mon frère. Ça, ça. Ah non, c'est pas moi. Ça c'est pas mon frère. C'est pas tout, mon frère. You're the same, all the time, yo. Et est-ce que tu suis un peu le Peura aujourd'hui? Est-ce que t'attends peut-être plus un artiste qu'un autre? Je sais pas s'il y a un album là que t'attends, j'en sais rien, tu vois. Bah, un album que j'attends qui est déjà sorti. Bon, bah, il y a la mixtape du Refresh AO. Déjà, celui-là, on l'attendait. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Tu vas poser. Hashtag, il est sorti. Mais pourquoi tu l'as appelé hashtag? Moi, je l'aurais aimé que tu l'appelles Hungugar. Vas-y. Ou bien Bagwazing. Attends, s'il te plaît. Donc, après, hormis mes refrains que j'attends, donc il y a Edinho, il y a les projets Tudo aussi que j'attends. Au mix, ça va arriver doucement, doucement. Bon, mm-hmm. Moi, mon projet, il est en cours, donc on travaille doucement. Mais après, là, vraiment, un rappeur que j'attendais, mais qui m'a déçu, c'était l'AD. Okay. Tu vois, tu connais, mais bon. L'AD qui, Kobalade? Non, Kobalade, les Congolais chez moi, mais les Khanes, poto. Tu vois, il est foin. Vas-y. Mais, tu vois, moi, je pars de l'AD. C'est l'AD, un mec du 9-3. Mm. Voilà, tu vois, mais après, sur ses mixtapes, il était violent, sale, rue, proche bloc. La tournée un peu trop love, mais bon, t'as, je l'attendais. Il y a des morceaux qui m'ont choqué, mais sinon, à part ça, frère, niveau peurage, j'écoute les mecs de chez moi, mais sinon, je suis pas connecté. Paris, ils écoutent Paris. À Bezac, ça écoute Bezac, mon rail. Ok, vas-y, vas-y. Si, si. J'ai vu sur Snap que t'écoutais, enfin, que t'attendais Dino et Jaja, tout ça, là. Tu sais, les tressés, là. Enfin, les... Jaja et Dinaz. Jaja et Dinaz, j'en sais rien. Dino et Jaja. Ouais. Mais c'est qui ça? Mais c'est qui, Junes? Moi, je connais pas. C'est qui? On crée un faux. C'est qui ça? Mais dis-moi, mets-moi au courant, mets-moi au juice. C'est ça, non? Mets-moi au juice, mon gars. Ouais, il faut que je sois au juice. Qu'est-ce que c'est quoi, Robay? Je t'envoie des liens après, tu vas porter plainte contre moi. Si, si. Et du coup, parce que j'ai. Tu vois, je sais que toi, c'est boom bap. Tu vois, ouais. Boom bap à mort, tu vois. Et le rap d'aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? Bah, frère, le rap d'aujourd'hui, on va pas se mentir, t'as vu? Le rap d'aujourd'hui, il est bien. Comme on dit, je veux pas totalement objectif, étant donné que je kiffe le boom bap, je kiffe le rap à l'ancienne, un peu Kaira. Mais le rap d'aujourd'hui, ce que je lui reproche, moi, en tant qu'artiste, ou en tant qu'individu, même en tant que fan de Peura, c'est que ça manque de profondeur. Tu sais, il y a beaucoup de tipeux, ils ont de la technique. Mais t'as vu, les textes, ça correspond pas à leur vécu, ça correspond pas à ce qu'ils ont vu dans la vie. Et ça n'a pas vraiment de fondement. T'sais. Moi, j'ai pas envie de refaire des sons pour dire, gros, je sors ma calage, t'arroses par terre. T'sais. J'ai envie de parler des vrais bails et des choses que j'ai vécues. Et toi, tu connais, t'as eu. À un moment donné, il y a beaucoup de gens qui disent des conneries derrière les micros, c'est pour se faire mousser, mais nous, la vraie rue, nous, on la connaît, t'as vu, le haut, la galère, les refrains qui finissent en HP, les longues peines, pas des longues peines de 5 ans, des longues peines de 20 ans par les refrains, nous, on connaît la rue, ce qu'elle a de négatif. Donc, du coup, nous, on essaie de s'appliquer, de passer un message positif aux refrains, qu'ils captent le bail. Après, si les refrains veulent faire les tarés, frère, la rue, elle a tout le monde. Hein. Elle te prend, puis elle te tait. Comme une vieille salope, si t'as plus de thunes. No friends, motherfuckers. No friends in the street, motherfuckers. Ouais. Maman, c'est pas vrai, je ne suis pas là. Bah, c'est normal, il faut pas que tu sois là. Ah non. Ah ouais, c'est pas bien avec, pour la daronne. Je suis pas avec ces voyous. Bon. Y a pas de voyous, mais la rue, c'est mauvais. La rue, c'est mauvais. La rue, c'est pas que le banditisme. La rue, ça peut être de traîner. Avec ses potos, taper un ballon de foot, mais t'as un poteau qui fait un peu des conneries, mais vu que tu l'aimes. MHD. Toujours avec lui, mais un jour, quand la balle, elle frôle, poteau, toi aussi, tu te la manges. Mmh. Tu connais, moi, c'est comme ça, la rue que moi, je l'ai vécu. Jamais lâché un assos. Mais bon, donc, à fortiori, donc forcément, quand tu lâches personne, tu te manges forcément des coups. Mmh. Donc faut c'est forcément, la vie. C'est la vie. Donc, faut prévenir les types et leur dire faites votre musique. Les gars, il n'y a pas que la cité, il n'y a pas que Bicrave, les refrains. Donc on peut bicraft des t-shirts, bicraft notre musique comme le refrain Dino. On peut bicraft tout. On peut bicraft tout, mon pote. Il faut laver les voitures. Tout chez nous, mon frère. Il faut laver les voitures au départ. Voilà, tiens, ça. Sur les feux rouges, là, comme en Afrique, là. Directement, tiens, sérieux. Tiens, tu peux gagner des sous partout. Tu tiens, il n'y a pas de problème. Même s'il faut faire maquina, mon gars. Non, non, dame. Mais ne te vends pas. Et pour relancer le maquina, cet enfoiré. Bah oui, non, mais je te dis la vérité, man. Tu vois, non. Sois pas une pute. Mais si t'es beau, mais si t'es beau, t'es beau. Il faut que les gens reconnaissent. That's real shit. Hey, maman, pardon, moi je suis pas là. Il y a des gros mots. Faut m'excuser. Doucement, maman aussi. Bon, bah, du coup, on remercie Tudo pour la dernière émission de la 25e. On est tous virés à partir de minuit. Merci les mecs. Merci d'être passés. Big up à la semaine prochaine. Non, bref, pour revenir dans le truc, du coup. J'allais te dire ben quel message t'as à faire passer aux jeunes qui arrivent, mais je crois que tu l'as. Bah, déjà, il est passé, hein. Je crois qu'il est bien passé le message. Et à côté de ça, je voulais te demander aussi, est-ce que toi, tu te vois en mode, je sais pas, indépendant dans 5 ans, tu vois. Admettons que là tu continues ton bail. Est-ce que tu serais en mode indépendant ou est-ce que peut-être dans 2 ans t'es là, il y a peut-être une tête qui vient, qui te dit, viens signer le contrat, tout ça, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Bah, ça, c'est la question à 1 million de dollars, mon frère. Non, ouais. T'as vu? Donc, ça veut dire que moi, personnellement, dans mon état d'esprit, je suis tellement indépendant, tellement mon bas les couilles de tout, que ici, le major, elle vient me chercher, mon frère. Donc, il faudra qu'elle allonge le cash. Si elle allonge le cash, je décale. Mais s'il n'y a pas le cash, reste en indé, mon frère, parce que tu connais. Chétan est en moi. Non, frère. Écoute. C'est pas le chétan. Non. Je vous connais. C'est moi l'invité, refrain. Ouais, c'est moi l'invité, refrain. C'est moi l'invité, refrain. Doucement. Donc, je corrige. Attends, refrain, je corrige. Vas-y, fini. Je corrige. Voilà, je vais corriger mon refrain de spi en 2 minutes. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Il y a beaucoup de refrains qu'on voit là, nanana, en galère, t'as vu ce que je veux dire? Donc moi, si j'ai l'opportunité de signer un label, c'est pas dire que je vais poser mes couilles dans ma brochure, frère. C'est-à-dire que je vais débarquer avec mes couilles là où ça va aller. Si ça marche, mon frère, si Dieu me le donne la force, pour que mes refrains qui sont avec moi, mon pote, ça continue à collaborer. C'est-à-dire que tu signes un contrat pour faire grailler les autres. Mais si les contrats, ils correspondent pas à ce que je suis, pourtant je reste en indé. Parce que si on me dit d'abandonner Fares, mon pote, je dirais nique ta race. Parce Braza. Que moi, c'est mon gars et puis moi, c'est comme ça que ça fait Jachema. Braza. Bon, je suis là, chef de label. Je te pose une avance de 100 000 balles. Cash. C'est combien 100 000 balles? Moi, je suis blédard. Hein. C'est un CFA. Un CFA. Moi, c'est pas envoyé au bled. Moi, 100 000 euros. Ça fait 650 Attends. Millions de points CFA. Rabourre la thune, au coup, négo. Rabourre la thune, négo. Je rentre au pays. Putain. Je te pose une avance là, de 100 000 balles, mais je te dis, il y a une condition. J'aime bien ta voix, tout ça. J'aime bien ce que tu représentes. Mais il faut que tu fasses du... Du ouais, dino, voilà, ouais. De la Zumba. Du son. Ah non, Braza, là. Ah non. T'as 100 000 balles ici. T'as tes refrains, t'as la street, tout ça. Puis vas-y. Refrain. Je vais te répondre sincèrement, t'as vu. Au risque de choquer beaucoup de gens, mon frère. Les 100 000 dollars, le gars, il se les garde, t'as vu. Ok. Il se les garde, les 100 000 queues. Bon, on va monter une cagnotte litchi, là. Vas-y. 100 000 balles, on va voir ce qu'on va faire, hein. Ah frère, les 100 000, ils les gardent, parce que 100 000, ça dure pas longtemps. Après que les impôts soient passés, le fisc, c'est devenu un ghetto, mon frère, il te reste de 40 000 dollars. Vas-y, faut payer le loyer, y a plus rien, donc ils se les gardent. Des grands loyers, hein. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu, je sais pas, tes premiers textes, tes premiers sons, le tout début. Ah comment ouais. Comment ça t'est venu? Est-ce que du jour au lendemain, ben ouais, ou... Est-ce que t'as un refrain, peut-être, tu vois, je sais pas. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Bah, je peux vous raconter ça. En fait, moi, le Peura, c'est venu à la base. Donc, j'étais avec le vécu de la vie. J'étais un peu en dehors de la ville parce que tu connais la vie des jeunes de quartier. Donc, j'ai rencontré un refrain là-bas qui s'appelle Guillaume Frédéric, qui maintenant est parti un peu loin. Pour les mecs de Beza qui voyaient un peu qui c'est qui. Un haïtien, il kickait un peu. Donc, on était du côté de Pontarlier. Ça a commencé à kicker de spi. Mais après, j'avais lâché un peu la bride. Après, quand je suis revenu dans ma ville ici à Beza, tout ça, après le foot. J'ai retrouvé mon refrain Sandro, t'as vu, big up à lui, bientôt libérable, j'espère. Et c'est lui qui m'a donné la force. Donc les premiers couplets, les premiers 16, c'est dans la brechon avec le refrain Sissi. Donc on était en phase B, on était sur des phases B d'arsenic, on essayait de kicker dessus. Crimogène, exactement. On a commencé comme ça, donc les premières anecdotes. Et puis la première fois que j'ai vraiment kické devant les gens, hormis la famille, pour dire la vérité, c'était chez toi, frère. C'est le premier freestyle qu'on avait filmé avec Samir, tout ça. Tu vois, c'était la première fois que j'ai kické devant les gens. Toujours sur Dailymotion, je crois, cette vidéo. Ouais, ouais, c'est un peu bizarre. Il n'y a que nous qui pouvons la retrouver. Hein. Voilà. Elle est introuvable, frère. Eh, hey, Braza, tu vas revenir ici. Bien sûr, mon frère, avec grand plaisir. Pas, ça va ressortir, y a pas de soucis. Ah non ! Là, j'ai juste pas eu le temps d'approfondir mes recherches. Ça se trouve, demain, je balance ça sur notre Insta. Oh, ça va sortir. Attention, mon frère, ce clip-là, il vaut de l'or, hein, faut... Non, tranquille. De toute façon, tu vas le payer après. Donc. On peut le virer avant. Tu vois, Tudo, excuse. Attends, les trucs du caniveau, il faut les laisser dans le caniveau. Non. L'expérience prouve que... J'ai faim. Vous n'allez pas mélanger tous ces tas de trucs-là. Tu sais, nous, il y a des sons. Il y a des sons qu'on écoute. Il y a des sons que, comme je disais à Shaolin, il y a des sons que moi, j'écoute. Je lui dis, il y a Tassi, mais pas dans son hashtag, là. Man, non. Mais c'est ça, c'est des sons des caniveaux, tu vois. Si. Alors, bah ouais, non, les mais... Les sons old school qui sont bien, tu vois, non. Et toi, tu connais. Ouais, yeah. T'inquiète. Laisse-les là où ils sont. Écoute-le. Apprécie-les. C'est comme Bob Marley. Non, t'as t'inquiète. Il y aura des rééditions avec de l'articulation en meilleure qualité. En espérant revoir le refrain Samy par ici. Allez, donc, on est ensemble. Benetti, big up, Benetti. Ouais, big up, big up, Benetti. Mais il va comment avec le petit vénère, là? Alors, attention, lui, c'est un futur papa, les gars. Hein. Félicitations. Big up à toi. Big up, frère. Félicitations, mon frère. On est ensemble. C'est yo, Benetti. C'est fini, Veneata. Non. C'est Big Venet. Vas-y. Calme, ouais. Braza, avant d'envoyer le prochain son, est-ce que tu peux te résumer, si tu devais te résumer en un mot, là? Là, t'as un mot qui te vient en tête. Honnêteté. Ou fidélité. Okay. Ah ben choisis alors. Ça va de pair pour moi, être honnête, être fidèle, mon frère, okay. Ça va de pair. Si. Eh ben moi je pensais que t'allais dire impulsif, du coup je vais me balancer le son impulsif. Ah impulsif, tu connais depuis le début, depuis le berceau, ma mère en avait marre. Donc je vous balance le son Braza, impulsif, disponible sur YouTube aussi. Ouais. Inganzo Prod. Ah hein, ouais, Caniveau Stadio. Caniveau, ça représente pour tous les MC de Bezac. Pour tous les refrains qu'on a kickés depuis l'enfance, donc les refrains qui écoutent Radio Sud, essayez d'aller fouiller partout. Il y a des MC à Beza qui envoient du lourd. Tu veux pas qu'on passe le son? Bien sûr que si, refrain, mais il veut quand même faire de la pub pour tous les refrains. On est ensemble. Vas-y. Si. On est toujours dans la 25e, c'est parti. Merci. Bang, bang. And a big gang on fire. Black mentality. Boots popping. Boots popping. Impulsif, il refuse la soumission. Clame aux lettres dans la voix. Crache les verres du diable. Même sur un tatami, c'est Citan qui l'a ficelé. Refuse la défaite. Regard vénère. Affirmation des cités françaises. Bloc HLM. Deux spions en affaire. Bloqué sur le passé. Ses potos se sont fait refroidir ou ont pris la fuite. Déguisé sous la tenue Tony Micheli. Hey. Impulsif, énervé. Possédé par ses ambitions. Le sommet racailleux. Toujours en jet lag. C'est plus le FIF qui adoucit son moral. La farine colombienne a remplacé la fécule. Génial. Il tire dans tous les sens, au propre comme au figuré, au motif en descente, le visage balafré. Toujours en course-poursuite, ne fait plus ses deux hype, peut faire sentir le bout de ses victimes partir les mains pleines sans la mi-fa. Enfoiré, N.O.P. Gang. Deux pour Megava. N.O.P. Gang. Trois pour Noisplat. N.O.P. Gang. Quatre pour Africa. N.O.P. Gang, enfoiré. Folie meurtrière, on prend la frappe transversale en cas de coup de chaleur. Plus proche de l'enfer que du paradis. Car dans le vice, on est trop agile. Rap, psychanalyse, soir alcoolisé. Violence urbaine, drame et peine. Sur un radeau de fortune, j'ai vu mes rêves s'éloigner. Paranoïaque sont tués. Pour réussir, tu ressens l'obligation de tuer, man. De tuer, man. Hey. En marchant seul la night, appelle-moi BZVL. Si tu partis de la MIFA, ça sera NABIL. Dans ma tête authentique, je traîne avec mes soldats. Épaule de légionnaire, je viens pour ramasser la monnaie. Tertez tous ces PD, arrêtez vos dreams. Dans mon ghetto, vous êtes no-ho. À part Bakar, il me reste plus beaucoup de potos. Enfoiré, Ingazo Prod. N.O.P. Gang. 1-1 pour la MIFA. Enfoiré, N.O.P. Gang. 2-2 pour Megava. N.O.P. Gang. 3 pour Noisepla. N.O.P. Gang. 4 pour Africa. N.O.P. Gang. Enfoiré, 1-1 pour la MIFA. Enfoiré, N.O.P. Gang. 2-2 pour Megava. N.O.P. Gang. 3 pour Noisepla. N.O.P. Gang. 4 pour Africa. N.O.P. Gang. Enfoiré. Radio la 25ème. 101.8. Ciao Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah. Vas-y, fais-le. N.O.P. Gang. Remets le jingle. Tu m'imites en fait. Radio Sud. La 25ème. Tous les jeudis. Ciao Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Ching chong. Regarde comment il a mis. C'est pourri lui là. C'est une pourriture. Je te jure. Ah, tu m'as demandé de l'imiter. Bah, moi j'imite. Il est chelou. Ça sonne bizarre là. Bouge pas. Je crois que je reçois encore des appels. Ça c'est le direct, hein. Désolé. J'ai reçu un appel, c'est encore des appels cagoulés. Je vais être obligé de répondre. Excuse-moi Brazin, hein. C'est comme d'hab. Tout c'est la famille. En général l'appel c'est... Ok, je vais répondre. Allô, c'est qui? Allô? Oh, allô? Ouais. Oh, Braza, ouais, j'ai vu ta story sur Snap, t'as dit que t'étais bloqué dans les années 2000. Et si je te défiais de faire un son trap, tu vas le faire? Un son trap? C'est bizarroïde, frère. Ah non, il faut pas me piéger, mon frère. J'essaie de mettre dans des caniveaux chelous, mon frère, ça. Mais on peut tester. Ah, ok, tu réponds. Tu réponds pas à moi. Ça, c'est ton bail vocodeur, je sais pas, l'auditeur, ouais. Ou je sais pas ce que t'es, frère, mais... Et en fait, en gros, la question qu'il te pose, est-ce que si on te dit gros son trap, tu bégayes ou tu y vas? Il y a 10 000 balles à la fin aussi. Rajoute les 10 000 balles. Tu rajoutes les 10 000, frère, je peux tenter. Au pire, si je me perds, il y a Tudo et puis il y a le refrain d'Igno qui est pas loin. Mais mon mix, là, il va tabasser ça. Vas-y. Oh putain, casse les couilles. Mais toute sa vie. Hein. Excuse. Encore des appels cagoulés encore. C'est bien. Allô, c'est qui là? Allô? Ouais, allô, ouais. Ouais, j'ai une question là, Braza. Oh, Braza, t'as prévu de changer de blaze? Parce que des Brazas sur YouTube, il y en a 15 000. Tel quel, toi? Bah, il y en a plein de Bantou, mon gars. Eh, frère, les Brazas, mon refrain, il y en a des millions, mais il y a un seul vrai Braza, t'as vu? Et c'est moi, Braza N.O.P. Gang, ça représente plein de Noise, banlieue sud. Vas-y. Mais en plus, moi, j'ai regardé un peu là sur YouTube tous les Brazas qu'il y a. Ils sont, c'est pas tous des Renois, hein. Ils sont tismés bizarres, tu connais le Congo chez nous, poto? C'est même pas des tismés, il y a des trucs bizarres hein, qui se passent. Attends. C'est quoi les boys? Prostitution, guys. Je vous laisse aller taper Braza sur YouTube. Frère, il y a que des bêtises comme au Brésil, de Modaniska, frère. Vas-y. Ouais, bah c'est bon, j'ai éteint mon téléphone, vas-y, c'est bon, on va essayer de finir l'émission tranquille. On va finir dans la pratique Peura vraiment, tu vois. Oh bah ouais. Nous, on a trouvé un petit jeu qu'on a appelé la rime facile. Mm-hmm. Donc je t'explique le bail. En gros, on va t'imposer 10 mots. Enfin 9, ouais. Je crois que j'en ai que 9, mais je vais en rajouter un tout de suite. Attends, j'ai le mot snack food. Le mot snack food, c'est... Mais non. Slip. Ah, là. C'est slip. Mais non. Je vais mettre... Attends, à qui je pourrais demander ça? Viper. Donne-moi un mot, Viper. Je mets quoi? Bless. Vas-y, celui-là. Bless, ça y est, en sens de Rasta ou Bless histoire de bless. Poignardage, frère. Comme... Ouais, faut me préciser, mon refrain. Ou comme Bless Matuidi. Après ouais, on n'a pas dit comment tu l'écrivais aussi, ça veut dire tu le mets à ta sauce en fait. Ça marche les refrains, c'est ça. Si. Donc je t'explique, on va t'imposer 10 mots. Et t'auras le temps d'un morceau, donc si je me trompe pas, c'est le son avec Tudo. Ouais. Deep in my hood. Ah, c'est lourd, lourd, lourd l'anglais. T'as, gros. T'as capté, you know what I mean, man. Bac littéraire. Baccalauréat, man. Back to the real, motherfuckers. Tu sais, moi je suis. Deep in the hood. Écoute, écoute, mon frère. Tu sais, moi je suis bredard. Yeah. Mais on m'a tapé pour apprendre le français et l'anglais. Yeah. Mais qui parle ma langue? Les gens, ils devaient être contents que je parle leur langue. Ah merde. Ah ouais. For real, I deep in my hood when I'm banging out. Envoie ça au Video Ghost Style. Donc là moi, je te fais passer le stylo. Ça marche, la famille. T'écris encore sur des feuilles, tout ça. Passer le stylo. Maintenant, je vais te dicter les 10 mots. Ouais. Ok, bon, je corrige pas les fautes, on n'est pas. Ouais, d'accord, parce que sinon on risque d'être choqué. Donc les mots, en fait, je les ai pris en fonction de toi, des titres que t'as sortis, voilà, ça représente un peu ton univers, donc ça devrait un peu t'aider normalement, tu vois. Ça marche, ta famille. Donc le premier mot, c'est NOP. NOP. Yes. Congo. Oui, avec diamant, ça rime avec diamant, mais ça arrive avec, ça arrive avec les terres rares qui te font ton iPhone, mon frère. Voilà, mon gars, mais diamant. Tous nos frères. Attends, je prends les 10 lettres. À l'ancienne, ça fait 3 mots, mon frère, non, avec la prostate. C'est bon. C'est gratteur. Tout dépend de l'orthographe. T'attaches tout ça là. C'est bon. Guns, parce qu'il vient du titre Guns Poppin, bien sûr. Impulsif. Bien sûr. Hood. Get hood. Photo, parce que le mannequinat. Ça me lâche pas sur ce bail. Chope-le. Boom bap. Ouais. 90s. En anglais. Ok, 90s. Ou Génération 90, si tu préfères. 19, ça va. Et Bless, le mot de Viper Ghost, yes, que je pick up, mon gars. Donc, vous faites quoi à 16, vous faites quoi avec ça, les refrains? Fantôme, là! Je t'explique, tu as les 10 mots. Je fais passer le son. Deep in my hood. Big up, American boy, man. Yeah, of course. Ah non, African boy. Of course. Of course. You speak very well English. Tu sais, nous, on traverse le Méditerranée. On sait pas où on va. Vaut mieux qu'on apprend toutes les langues, même l'espagnol. Les gars, moi, je veux parler en français, Lingala. If you cuss me, I bet you. If you keep me. Débrouillard, Acho. Ça, c'est l'esprit bréda. Y'a pas plus info que ça. Donc là, en gros, le morceau, il fait 4 minutes. Ouais. Donc en gros, t'as 4 minutes pour nous écrire un petit truc avec les 10 mots. Ça marche. Si pas forcément à 16, hein. Ouais, si c'est 4 mesures, c'est 4 mesures. Si ça c'est une mesure, tu dis NOP Congo à l'ancienne Guns, tu vois, okay. C'est bon, ça passe. Mais essaye de rimer c'est dans un peu. Je le mets dans l'ordre, je peux le mettre dans l'ordre que je veux. Oh, comme tu veux. Tu fais ça, tu mixes tout ça, tu mélanges. Tu mélanges. It's a freestyle. J'ai capté. Du coup, je vais vite passer. Tu connais les pourris. Mais essaye de faire des rimes quand même. Voilà, je vais faire des rimes. Spécial Braza ce soir. On passe le dernier son, on passe à la rime facile et après on passe à la session freestyle. À la session freestyle. Ça roule la famille. Vas-y. Je prends mon stylo, j'attends. Hey yo, je suis né sur la terre mère, dans ce millénaire, là où ils nous ont millénaire. Manigue. L'air qu'on respire est sale à mort, donc moi je préfère tirer mon stick expiré sur le mic, man. Tic tac, punchline et sauter dans sa vanne. Parfumé par la beuh, roulé face au laravane. Y'a la dalle dans nos halls, donc certains dégainent cagoulés pour trouver des quoi à graille. Tu connais les bails dans la street, ça cache son jazz. Là-bas, que les gangs, t'as remis chacun son nine. Les pimps et les beats, t'es remis chacun son job. Mais dans le fond, tout le monde derrière la manne. Yeah. Histoire de trouver la graille, ma nigga. Une Yongo vibe, style et gangsta. Mais je deal des tracks là où tu deal des cracks. I deep in my hood when I'm banging out. When I'm banging out. Cross streets, I'll destroy. And I just want surviving. Dans les pas secours, tous après le rallye. I deep in my hood when I'm banging out. When I'm banging out. Cross streets, I'll destroy. And I just want surviving. Dans les pas secours, tous après le rallye. 45 coups. Mais bon, tout reste debout dans chaque chapitre. T'as senti l'impact sur le mic. Avec certitude, on assure nos arrières pour nos pères. On a passé les peurs, ne t'en fais pas. toujours au pas, on sent le AK-47. On a pris la distance depuis le départ. La garde est dressée, j'ai mis samouraï dans le dojo. Et mon gars, on est paré, paré pour l'attaque. En mode Zazen, je m'y